I don't know. Yeah.

Crazy Boys Choi.

7h45 sur les ondes de Galaxy Seconde, 17h45 secondes sur les ondes de Galaxy 95-30. Tony est heureux de vous retrouver et remercie Dust qui est avec vous cet après-midi. Dust que vous retrouverez d'ailleurs dans une bonne soirée en compagnie de Panren et de Matt. Ça se passera le 18 mars à la ferme de Jean au programme House, Retro House. On vous en dira plus la semaine prochaine. Don't.